السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Que toutes les louanges soient à Allah, le Seigneur de l'univers, et que les bénédictions d'Allah et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion. Et tout ce qui est inventé dans la religion sont des innovations. Et toutes les innovations sont des déviances et toute déviance mène au feu de l'enfer. Donc on va faire un nouveau sujet aujourd'hui, mais avant ça je voulais juste terminer la parole de l'imam Malik rahimullah sur le sujet d'hier. Donc on avait terminé en fait sur Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsqu'il avait vu des gens qui faisaient des cercles dans les mosquées et qui jetaient des pierres et que tous répétaient en cœur Subhanallah 100 fois, Alhamdulillah 100 fois, Allahu Akbar 100 fois. Il leur a dit: est-ce que vous êtes sur une guidée mieux que la guidée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ouvrez-vous une porte vers l'égarement? Donc, c'est l'une des deux. Et ils ne peuvent pas être sur une guidée mieux que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc automatiquement, ça veut dire qu'ils ouvrent les portes du dalal, de l'égarement. Et un homme demanda à l'imam Malik, rahimahullah, il voulait en fait, cet homme-là, il voulait partir pour le hajj. Et il lui a dit: à partir d'où je dois mettre mon ihram, que je dois faire en fait, qui doit se mettre en état de ihram, de sacralisation. Okay. Donc, l'imam Malik rahimullah lui a dit: eh bien, à partir du lieu où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a déterminé. Okay. Et la sunna c'est de faire à Miqat Ahl al-Madina. Et donc lui il a dit: ben, en fait, moi je veux le faire min ind al-qabr. À partir de la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il se disait, il y aura plus de ajr, c'est la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il se dit que peut-être en faisant par là, ce sera mieux. Et donc il y aura plus de kilomètres à faire. Donc l'imam Malik rahimullah, il lui a dit: la taf'al, ne le fais pas. Fa'in fa'alta, akhsha alayka al-fitna. Ne le fais pas. Ne pense pas qu'en faisant au niveau de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, en faisant plus de kilomètres pour se mettre en état d'ihram, ne pense pas que c'est mieux et qu'il y a un bien dans ça. Parce que si tu le fais, je crains pour toi la fitna, une épreuve. Et il lui a dit: et de quelle épreuve? Pourquoi il y aurait une fitna? Qu'est-ce qui me toucherait? Ce sont juste des kilomètres que je vais rajouter. Il a dit: ce sont juste des kilomètres que je vais rajouter. Pourquoi j'aurai des problèmes? Alors l'imam Malik rahimullah lui a récité le verset de sourate An-Nur, verset 63: فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. أخشى عليك من الفتنة من الزيغ من الضلال من الموت على غير الإسلام. Donc je crains pour toi la fitna, les épreuves. Tu penses que faire mieux en se mettant au niveau du qabr, il croit que c'est mieux, il y aura plus de ajr. Parce qu'en plus, c'est le qabr du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il pense que ça, en faisant plus de kilomètres à marcher, il y aura plus de récompenses. Non, c'est faux. Tu veux avoir la meilleure des récompenses et tu suis la sunna. C'est tout. C'est simple, subhanallah. Tu as juste à suivre la sunna. Tu n'as rien à inventer, voilà, à rajouter, voilà, à essayer de se griller les neurones pour essayer d'instaurer un nouveau mode d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré et nous a montré le chemin, tu vois, comment tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as juste à le suivre. C'est simple l'islam. Allah il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, les compagnons disent, tu vois, c'est une religion de suivi. Tu vois, هذا الدين الاتباع, le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas une religion, chacun dans son coin il peut inventer ce qu'il veut, tu vois. Allah il a dit, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, elle est complète, et il a agréé l'islam comme religion pour nous. Donc ça c'était en ce qui concerne les sujets, c'était sur les conditions d'acceptation des actes en islam. Donc alhamdoulilah, on espère qu'on a fait les... et on ne reviendra pas dessus parce que c'est clair, inchallah. Sauf si dans d'autres cours, eh bien, on aura des points à souligner, on pourra revenir dessus, quoi. Inchallah. Aujourd'hui le sujet en fait c'est sur ce qu'on avait vu aussi dans les différents khutbah aussi. Par hukm tarik as-salat, le jugement de celui qui délaisse la prière. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que tout d'abord il faut souligner que il y a eu tout d'abord un ikhtilaf entre les ulama sur ce sujet-là. Okay? Les savants, ils ont tout d'abord différé sur ce sujet-là. Puis en fait, il y a eu, donc les ulama, ils ont mis en fait que effectivement il y a eu une différence, mais lorsqu'ils ont yani, vu les nombres de preuves et les ont comparées les unes des autres, ils ont dit qu'il y avait il y avait une opinion la plus juste de celui qui délaisse la prière. Et une opinion qui est juste. Et en fait, donc ça c'est basé en fait sur un travail des ulama qu'ils ont fait, que j'ai ramené là. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai cité tout d'abord, je voulais prendre quelques versets du Coran. Normalement, si juste on lit quelques versets du Coran, on n'a pas besoin de continuer. Subhanallah, c'est suffisant. Allah alim, c'est suffisant. Si quelqu'un il est sincère, hein. Quelqu'un il est vraiment sincère, yani, tu lis juste quelques versets, cinq versets, voilà. C'est suffisant. Subhanallah. Mais on va quand même le faire pour clarifier les choses. Parce que c'est comme le sujet d'hier. Yani, ce qu'on parlait sur les bédara, sur l'acte d'adoration, sur les actes qui sont acceptés. Là, maintenant, tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui sont présents, tous ceux qui sont présents, et tous ceux qui vont yani, recevoir maintenant l'audio et qui vont écouter. Le truc, c'est quoi? C'est que si les preuves viennent à toi, tu les as compris, tu n'as plus d'excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire que lorsqu'on verra ça, on ne dit pas que quelqu'un est mécréant si Masalan a délaissé la prière. Juste comme ça, en pointant du doigt, c'est pas ça. Ce qu'on avait vu dans les cours précédents, qu'il y a des conditions dans ça. Intifal mawana, tawafir al-shurut wa iqamat al-hujja. Donc, c'est que les conditions doivent être requises. C'est que faut voir qu'est-ce qui peut empêcher cette personne-là d'agir sur ça. Et il faut en plus apporter les preuves à cette personne-là. Parce que comme on disait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit plusieurs fois dans les cours précédents, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit sur rufi' al-qalam ala thalatha. Il y a trois types de personnes que la plume est levée sur eux. Yani, ils sont pas, ce qu'ils font ne sera pas comptabilisé. L'enfant, jusqu'à qu'il devient pubère, jusqu'à qu'il atteint la puberté. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Et celui qui a perdu la raison, jusqu'à ce que la raison lui vienne. Mais s'il a complètement perdu, voilà. Donc lui, Andou, ces gens-là, ils ont des excuses. Il n'a pas atteint la puberté, voilà, il est en train de dormir. Jusqu'à ce qu'il se lève. Et yani, celui qui a perdu la raison. Donc c'est pour ça qu'il faut, lorsqu'on disait aussi, lorsque une personne fait de la da'wah à quelqu'un, elle doit savoir à qui elle parle. Tu ne vas pas dire à un tel il est comme ça, alors que peut-être qu'il a atteint d'une maladie mentale. Tu vois, il y a des gens, on peut dire, subhanallah, il ne vient pas prier celui-là, tac, voilà, il prie une seule fois, voilà, je ne sais pas quoi. Alors que, subhanallah, il est atteint d'une, tu vois, mentalement, il est atteint, kolchay, tu vois. Donc, tu ne veux pas truquer comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir qu'une personne a la raison complète. Elle est consciente de ce qu'elle fait. Okay? et qu'elle reçoit les preuves claires. Lorsqu'elle a ça, elle n'a plus d'excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit que il y avait des questions que les gens ils disaient. Souvent, c'était des athées qui posaient ces questions-là. Ils disaient, oui, mais alors ceux qui vivent, ou bien même des musulmans eux-mêmes, ils disaient, ceux qui vivent en Arizona alors, en Amazonie, en pleine forêt, comment ils vont savoir? Tu vois? Eh bien, les ulama, ils ont dit que, eh bien, une personne, ou est-ce que le message lui est pas arrivé, tu vois? Et Allahu a'lam, parce qu'Allah, c'est mieux, nous, on ne sait pas, nous. Allahu a'lam, eh bien, cette personne-là, elle aura un test le jour du jugement. Tu vois? Cette personne-là, elle aura un test le jour du jugement. Et ça, c'est dans des conditions extrêmes, comme vous voyez, tu vois, une personne qui est en Amazonie, voilà, tu vois. C'est des gens qui sont privés d'Internet, qui sont privés de toute communication. Donc, voilà. Donc, par exemple, dans Sourate Al-A'raf, qui est la Sourate 70, Allah subhanahu wa ta'ala, le premier verset, c'est « Sa'ila sa'ilun bi'adhabin waqi'a ». Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable. « Lil kafirina laysa lahu dafi'a ». Pour les mécréants, que nul ne pourrait repousser. Même ce châtiment-là, les mécréants, personne ne pourra repousser ce châtiment-là. Minallah idil ma'arij. Donc un châtiment qui provient d'Allah, qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. Ça, c'est les trois premiers versets. Ensuite, tu continues de lire, tu arrives au verset numéro 10-11. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَسَّرُونَهُمْ. Donc nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami. يُبَسَّرُونَهُمْ, ça veut dire c'est quoi? C'est que bien qu'ils se voient l'un l'autre. Yani, pour qu'on se voit un peu l'image, la personne est le jour du jugement. Ok? Mathalan, elle a mécru cette personne-là, elle est morte sur la mécréance. Ok? Elle va voir ses amis, elle va les voir. Et je vais vérifier dans le tafsir d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi en fait? Il a dit, يَرَوْنَهُمْ وَلَا يَعْرِفُونَهُمْ اشْتِغَالًا بِأَنفُسِهِمْ. Ça veut dire qu'en fait, ils vont les voir, mais en fait, ils ne vont pas les reconnaître. Ils vont les voir sans les reconnaître. Pourquoi? Parce que ils seront en train de penser déjà à ce qu'ils leur attendent. Tu vois? C'est-à-dire ils vont voir leur ami. T'as un problème, téléphone-moi, pas de problème, je serai toujours là, je sais pas quoi. Tu meurs, il n'y a personne qui t'aidera. Et je suis content de lorsqu'il dit. Donc, يَوَدُّ الْمُجْرِمُونَ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants. Il aurait aimé donner ses enfants. Ils reçoivent eux le châtiment pour que lui, il ne le reçoive pas. وَسَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. Sa compagne, son frère, même sa femme, son frère, voilà. Tu vois? Il souhaiterait leur donner pour que lui, il n'ait pas le châtiment. وَفَاسِلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي. Même celui, yani même son clan qui lui donnait asile. C'est-à-dire qu'il serait capable de donner ses propres enfants, sa femme, ses enfants, même ceux qui l'ont abrité, qui lui ont donné asile. Par exemple, il n'avait pas où aller, ils lui ont donné asile, et ben, il aimerait leur donner eux, tu vois, eux qui reçoivent le châtiment et pas lui. Subhanallah. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي. Même tout ce qu'il peut avoir sur la terre, tout ce qui est sur terre, tout ce qui pourrait le sauver. Ce jour-là, cette personne-là qui est morte en tant que mécréant, mécréante. Hein? Le jour de la résurrection, lorsqu'elle verra le châtiment qui l'attend, elle le verra. Elle verra même ses amis. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle va pas aller, elle va pas avoir un tilt en disant, ah oui, c'est... Parce qu'elle est tellement occupée, c'est-à-dire c'est comme par exemple, tu peux marcher dans la rue, tu es en train de réfléchir à quelque chose, tu croises quelqu'un, le lendemain, la personne a dit, je te voyais, puis je t'appelais, tu m'as même pas entendu, tu m'as même pas vu. Tu vois? Parce que la personne, en fait, elle était un peu, ah non, je réfléchissais à quelque chose, je t'ai même pas, tu vois. Et bien là, ce sera encore pire. Et Annie, elle sera en train de voir ça, elle voit ce qui l'attend. Et elle se dit, si au moins je peux donner ma femme, mes enfants, tout. Même les gens qui m'auraient donné asile ou quoi que ce soit, tout ce que je peux trouver sur la terre, je le donne pour pas que j'aie le châtiment. Pourquoi tu te mets dans des conditions comme ça? Comment une personne, alaykoum salam, mashallah, comment une personne qui sait qu'elle va se faire juger le jour du jugement dernier, et qu'elle aura un châtiment si elle meurt dans ces conditions-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'elle voudra tout donner. Tout donner pour ne pas avoir ce châtiment-là. Allah nous met en garde contre ça. Subhanallah. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, sait mieux ce qui est bien pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Et il nous met en garde pour pas qu'on tombe dans ça. Comment une personne qui sait tout ça, eh bien, va ignorer ce qu'on va voir. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Kalla innaha lava. Mais rien ne le sauvera. Même s'il peut tout donner, tout ce qu'il peut avoir sur terre. Hein? Rien ne le sauvera. Il n'y a rien. C'est fini. L'enfer est un brasier. Inna lava. Inna lava, ça réfère en fait à l'enfer qui est un brasier. Nazza'atun lishawa. Arrachant brutalement la peau du crâne. Tad'u man adbara wa tawalla. Hein? L'enfer, elle va appeler qui ça? Celui qui tournait le dos et qui s'en allait. Yani, tu fais un appel et puis il tourne le dos. Ou il veut pas écouter, ou il va ignorer ton appel que tu lui as fait. Hein? Eh bien, l'enfer, elle va appeler ces gens-là. Et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit, en ce qui concerne تدعو من أدبر وتولى يعني أدبر c'est il a tourné le dos quoi au tawhid à l'unité d'Allah ça veut dire il ne voulait pas adorer Allah seul il va continuer dans son shirk et puis وتولى il a donné en tafsir que عن الإيمان ولم يتوب من الكفر ça veut dire qu'il s'est détourné de la foi et il ne s'est pas repenti du kufr qu'il avait il s'est détourné de la foi yani du iman il n'a pas voulu l'avoir. Et il ne s'est pas repenti en plus du couple. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Illa al-musallin » Donc ça c'est, on était au verset 16-17. Et ensuite, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tous ces attributs-là, au verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Illa al-musallin » sauf ceux qui prient. Sauf ceux qui prient. Ils ne seront pas dans cette condition-là. Ok ? Et Ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit dans son tafsir, sauf ceux qui prient illa al-musallin, eh bien ça référait à Ahl al-Salawat al-Khams. Les gens des cinq prières, les cinq obligatoires. Les cinq obligatoires. Ok? Donc, si une personne prie du vendredi au vendredi, elle n'est pas dans les cinq prières obligatoires. Elle n'a pas cet attribut-là. Ok? Si une personne prie le mois de Ramadan et ensuite arrête, elle n'est pas dans ces attributs-là aussi. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alladhina hum ala salatihim da'imoun » Subhanallah, tu vois que je te disais, juste tu lis le Coran. Là, c'est juste une sourate. Et on va mentionner quelques autres là. Mais juste dans cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Sauf ceux qui prient » Ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit, eh bien ce sont ceux qui conservent leurs cinq prières. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alladhina hum ala salatihim da'imun, qui sont assidus à leur salat. Da'imun, ça veut dire, comme on dit, Bderja Dima, tu vois, tout le temps. Tout le temps. Ils conservent ces cinq prières tout le temps. Tu vois, t'as des gens, tu peux croiser, tu dis, je me sens pas bien, donc j'ai arrêté de prier. Astaghfirullah. Au contraire, tu te sens pas bien, et bien tu as plus besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et bien, qui va t'aider, qui va te supporter. Hein? ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Hajj, Allah donnera la victoire à celui qui supporte la cause d'Allah. Qui sont-ils? Il nous donne la définition. Alladhina in makkannahum fil ard, ceux à qui on leur a donné un pouvoir sur terre. Aqamu s-salat, ils font la prière. Wa ataw az-zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatu al-umur. Ils font la salat, ils donnent la zakat. Yani la, comment ça s'appelle, la charité obligatoire. Et ils commandent le bien, interdisent le mal. Ça, c'est les attributs. Tu veux la victoire? Eh bien, il faut que tu aies ces attributs-là. Tu ne veux pas la victoire. Parce que les gens, ils croient qu'ils peuvent avoir la victoire d'eux-mêmes. On n'est rien, ya Ekhi. On n'est rien. Sans l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on n'est rien. Ok? Et, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Vous ne voudrez pas uniquement ce qu'Allah veut. Donc on a beau essayer de faire ce qu'on veut, en soi faire les plans qu'on veut, tu vois, mais si Allah l'a décidé, ça se fera. Tu vois? Et si Allah ne le veut pas ou ne l'a pas yani, écrit, ça n'arrivera pas. Même si tu fais tout ce que tu peux, ça n'arrivera pas. Ce qui t'est destiné ne te rattrapera pas. Ce qui ne t'est pas destiné ne te touchera pas. Tu vois? Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina hum ala salatihim da'imun, ceux qui sont assidus à leur salat, Ibn Abbas a dit yadimun alayha bil-layl wan-nahar fala yad'unaha, ils sont assidus de nuit comme de jour et ne la délaissent jamais, ne la délaissent jamais. OK, ensuite dans le verset 34, tout le temps dans la même sourate, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى سَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ, une autre fois. Et ceux qui maintiennent leur prière. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ, eh bien, ils seront dans les paradis, ce que je veux dire, et honorés. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, a dit pour yuhafidun, yani qu'ils maintiennent leur prière, c'est ala awqat salatihim al-khams yuhafidun. C'est-à-dire qu'ils maintiennent les 5 heures prescrites de la prière. Ils maintiennent. C'est pas on fait tout d'un coup. Ok? C'est pas on fait tout d'un coup. Et d'ailleurs, je m'étais renseigné sur ça, la dernière fois, sur la personne qui travaille et tout, l'employeur qui lui interdit ou kolshay. Donc voilà, c'était similaire à ce que j'avais dit en fait. Donc c'était Cheikh Salih Munajjid, Hafidhullah, qui a dit que la question qui lui a été posée, c'était l'employeur m'interdit de prier. Il lui a répondu en le disant, il demande à l'employeur que de lui permettre qu'il puisse faire sa salade, ça lui prend 2 minutes ou 3 minutes, tu vois. Il demande l'autorisation à l'employeur. Okay. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit inna salat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, parce que la prière a été prescrite aux croyants à des heures déterminées. Et donc, il a dit mais s'il refuse, l'employeur s'il refuse de te donner le temps de prier, alors tu dois quitter ce travail. Et si tu laisses une chose pour Allah, Allah te la remplacera par une chose meilleure. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Donc la personne doit ijtihad, donc je veux dire sur ça. Et il faut que quelqu'un il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. OK, pas la confiance aux employeurs. Dans sourate Al-Anfal. OK. Allah subhanahu wa ta'ala dit innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et ensuite il va y avoir une description en fait des attributs des croyants. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et quand ces versets, quand les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. يعني الإيمان تاعهم يزيد. Leur foi, elle augmente. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre leurs attributs. de cela, des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc ça c'était le verset 2, verset, ensuite au verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alladhina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ceux qui accomplissent la salat, qui accomplissent la prière, et qui dépensent dans le sentier d'Allah, de ce que nous leur avons attribué. Oulaïka humul mu'minuna haqqa. Ceux-là sont en toute vérité les croyants. Normalement, juste ce qu'on a dit, c'est suffisant. Ceux-là sont en toute vérité les croyants. Les attributs du croyant, c'est quoi? Eh bien, on vient de les citer. Juste deux sourates, quelques versets. Qui sont les attributs des vrais croyants? Ceux qui maintiennent leurs cinq prières à leurs heures prescrites. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, eh bien, ceux-là sont en toute vérité les croyants. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. À eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une donation généreuse. Et Ibn Abbas radiallahu anhu a dit dans son tafsir, donc alladhina yuqimuna as-salat. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit قد افلح المؤمنون. Les bienheureux sont certes les croyants. Allah nous dit c'est qui les croyants? الذين هم في صلاتهم خاشعون. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين يقيمون الصلاة, et bien il a dit يتمون الصلوات الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها في مواقيتها. Donc ce sont ceux, donc ceux qui établissent la prière, ceux qui font la prière, eh bien ça veut dire qu'ils font les cinq prières quotidiennes avec les ablutions qui sont yani la condition de la prière. C'est quoi la différence entre une condition et un pilier d'un acte d'adoration? Shart ou al-rukn, c'est quoi la différence? Shurut al-salat ou arkan al-salat. Eh bien, les conditions, c'est ce qui ne fait pas partie de l'acte d'adoration. Ok? Par exemple, l'une des conditions de la salat, c'est quoi? C'est l'oudou. Voilà. C'est pas, ça ne fait pas partie de la... Voilà. Le... El-Diniya, non, elle est incluse dans la salat. C'est le pilier. Ça fait partie des piliers, ça. Mais la condition, l'oudou, les ablutions, c'est extérieur à la prière. Dès que tu fais la prière, tu n'es pas en train de faire tes ablutions. Ok? Il y a quoi aussi? Il y a aussi, c'est aussi une autre condition, c'est que la raison, avoir la raison, ça c'est aussi une condition de la prière. Mais par exemple, lorsqu'on dit les ablutions, eh bien ça c'est une condition de la prière. Parce que c'est en dehors de l'acte d'adoration en lui-même. Par exemple, pilier de la prière, c'est quoi? Le recours, eh bien avoir un recours qui est, où est-ce que tu es? Tu te sens apaisé. C'est pas tu fais la salette en prenant, tu vois, comme si tu étais un train. Ah, tu fais à peine le recours et tu te lèves directement. Tu vois? Parce que là, elle n'est pas comptée, la salette. Tu dois refaire ta salette. Si tu n'es pas parti dans ton recours et tu es droit, et tu prends le temps de dire Subhan, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subbuh, Quddus, Rabbul Malaik, tu vois? C'est ce qui est monjoute dans la sunna. Prends ton temps, ensuite tu te relèves doucement. Fais-moi, Sami Allah, liman hamida. Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. T'attends un peu que tous tes autres reviennent à leur place. Ensuite tu vas en soujoud. Eh bien, les temps, hein, vous voyez, les temps de la salat que tu dois prendre, ça fait partie des piliers de la prière. Parce que ça fait partie de l'acte d'adoration. Ok? Donc, c'est pour ça, lorsqu'il dit qu'il l'a fait, qu'ils font les cinq prières, donc avec les ablutions, parce que pas d'ablution, pas de prière. Et les ulama disent que même si la personne, elle est en train de prier, elle avait totalement oublié qu'elle avait perdu ses ablutions. Elle est rentrée dans la prière, ça y est, avec le groupe. Elle a fait Allahu Akbar. Mais elle s'est souvenue pendant sa prière qu'en fait, elle a perdu ses ablutions. Elle est obligée de sortir de sa prière. Tu sors de la prière, tu fais les ablutions, ensuite tu reviens. Et ce qu'il y a aussi, il avait dit donc, dans son recours, dans son soujoud, comme on disait la dernière fois, c'est pas le soujoud, mais comme le coq ou la poule qui prend les graines, comme ça. Vite fait, à peine tu touches et tu fais comme ça. Parce que que c'est pas accepté. Et ça, c'est dans le hadith qui est authentique, celui qui a fait la prière devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a terminé, il s'est levé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Arja wa salli fa innaka lam tusalli. Retourne et prie car tu n'as pas prié. Il a repris une deuxième fois. Il a fait salam alaykum, salam alaykum. Il est reparti et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Arja wa salli fa innaka lam tusalli. Il s'est posé une question, il est revenu, il a reprié une troisième fois. Et il est reparti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Arja wa salli fa innaka lam tusalli. Retourne et prie car tu n'as pas prié. Il a dit, oh, messager d'Allah, il n'y a que ça que je connais. Hein? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré comment il doit prendre son temps dans les mouvements de la prière. C'est-à-dire que quand tu dois être en recours ou quand tu dois être en soujou, tu dois prendre ton temps. Oui? Voilà, barakallahu fik, tma'nina, comme on dit en arabe. C'est-à-dire que tu dois te sentir apaisé, tu vois, dans ta prière. Aujourd'hui, dès que tu vois la télé, dès qu'ils font des documentaires et tout ça, les journaux, et puis ils parlent, voilà, les gens avec le stress, ils recherchent un moyen de s'apaiser. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller faire du yoga. Mais ça, c'est... Il ne faut pas qu'on oublie une autre chose. Le yoga, c'est un acte d'adoration par les hindous et les bouddhistes. Tu vois? Il ne faut pas qu'un musulman, il se mette à faire du yoga en faisant de la Wii Fit, par exemple, tu vois? En jouant ça. Mais là, parce que tu vois, ils se mettent à... Vas-y, c'est juste un jeu. C'est pas un jeu, c'est un acte d'adoration. Que eux, ils font... Et nous, on n'a pas le droit de faire leur acte d'adoration. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du yoga pour sentir la tranquillité. Alors que c'est dans le but de la salat. Que lorsque tu fais une prière, lorsque tu te sens mal, mathalem, ou alors là, tu es en train de réfléchir, tu as un problème ou quoi que ce soit, tu fais tes ablutions, tu fais de la karat pour te sentir mieux. C'est pour ça, dès que je voyais ces documentaires, je me disais, subhanallah, s'ils savaient, tu vois, que la prière, c'est ça. Mais je dis s'ils savaient, parce que vous, mathalem, c'est des mécrans, ils ne savent pas. Mais qu'en est-il aux musulmans? Parce qu'il ne sait pas que s'il se sent mal, ou alors s'il a un problème ou quoi que ce soit, il fait ses ablutions, il fait deux rak'at. Et normalement, il se sent mieux s'il l'a fait correctement. Tu vois? Et dans Sourat al-Mu'minun, qui est la Sourat 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Qad aflaha al-Mu'minun. Bienheureux sont les croyants. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont humbles dans leur prière. » La tribune, le croyant, c'est qui est bien ceux qui sont dans leur prière, qui sont humbles. Il a du khushu', de l'humilité, tu vois. Il craint Allah, il sait qu'il est en connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde le point de prosternation. Il ne regarde ni à droite, ni à gauche, ni se tourne, ni regarde en haut. Tu rentres dans une mosquée, tu vois quelqu'un, il prie, il regarde comme ça. Ou bien, tu rentres dans la mosquée, il te suit ton regard. Subhanallah. Dans la face, comme ça, je rentrais. C'est dans une autre mosquée là. Il y avait quelqu'un, il priait une nef là, tu vois, avant la salette d'Al-Fadl. Je marche, je le regardais, il me regardait, je marchais, il me regardait, il continuait à me suivre jusqu'à que j'arrive là-bas. Subhanallah, je suis en train de le regarder, je dis, Subhanallah, il fait quoi lui? Tu vois ce que je veux dire? Tu dois pas être là-bas. Tu dois être là. Donc ce qu'il y a, c'est que la personne, elle doit être humble. Regardez le lieu de prière. Elle ne doit pas regarder à droite et à gauche qu'est-ce qui se fait. Elle est dans sa salette, elle demande à Allah de la pardonner. C'est la moindre des choses à faire. Et donc c'est quoi? Juste avec ça, on sait déjà les attributs des croyants. Mais il y en a encore des tonnes d'épreuves dans le Coran, tu vois. On peut passer je ne sais pas combien de jours dessus. Subhanallah, voilà 2 mois, voilà, tellement qu'il y en a. On n'a pas encore parlé de la sunnah là. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ça c'est la question que je vais poser à tous ceux qui refusent de se prosterner pour Allah. Et bien c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-A'raf, qui est la Surat 7, verset 12. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Iblis, à Satan, il lui dit, قال, Allah subhanahu wa ta'ala, مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدْ إِذْ أَمَرْتُكَ. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Ça, c'est la question qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pose à Satan. Parce que Satan, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il fait partie des djinns. Il a été créé de feu. Et par ses actes d'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rapproché du cercle des anges. Okay? Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, alayhi salam, il a commandé aux anges, et comme Satan il était avec les anges dans les groupes, eh bien, il leur a tous commandé à ce groupe-là, eh bien, ce n'est pas une prosternation Yani c'est pas un sujoud de ibadah, c'est de salut qu'Allah a commandé, a donné, qu'il le fasse à Adam alayhi salam. Il lui a posé cette question-là. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakat wa dhalika dinu al-qayyim. Et ils n'ont été ordonnés. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif, en étant sincère dans l'adoration, en n'adorant que qu'Allah. Tu n'adores qu'Allah, tu n'invoques qu'Allah, tu places ta confiance qu'en Allah, tu ne crains qu'Allah et tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de tout. Et qu'ils font la prière et qu'ils donnent la zakat. Allah l'a ordonné. وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Et faites la prière et donnez la zakat. Allah, il leur donne. Yani, ce qu'il faut savoir, c'est pas par exemple, tu la fais pas, c'est pas grave. Tu l'as fait, c'est bien. Parce que dès que j'étais au Royaume-Uni, il y avait un frère, il m'avait dit ça. Il m'avait dit qu'avant, la conception qu'il avait des musulmans, c'est un musulman. Hein, c'est un musulman de Bangladesh. Il m'avait dit avant, il croyait que si tu pries pas, t'es un mauvais musulman. Mais si tu pries, c'est un autre niveau. Tu vois, c'est vraiment... vraiment. Non, c'est pas ça. Subhanallah. Un musulman, c'est quelqu'un qui prie. Faut pas commencer à diviser les choses. Et on va voir ça en fait maintenant dans le détail, inshallah. Donc, là, ce qu'il y a, c'est que à chaque fois qu'il y a une différence d'opinion dans les choses ou quoi que ce soit, ça c'est les savants qui disent, hein, moi je me base sur le travail des savants là. Lorsqu'il y a une différence sur des choses, des opinions ou quoi que ce soit, ok, quelle est l'attitude à avoir? Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de retourner au livre d'Allah et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si l'on retourne dans ça, en étant sincère, on veut que la vérité, eh bien on trouvera la réponse. Pourquoi? Parce qu'Allah nous dit, si vous croyez en Allah et au jour dernier, tu sais que tu vas te faire juger, tu sais que qu'il y a un jour dernier, que tu vas rendre des comptes sur ce que tu as dit. Donc tu feras attention à ce que tu sors de la bouche et à la décision que tu vas prendre. Tu dois être basé sur des preuves claires. Il n'y a pas un ta'a le brouillard. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Donc, si vous différez sur quoi que ce soit, retournez-le au livre d'Allah et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, vous aurez la meilleure explication. J'ai pris de ce que l'imam Shinqiti, rahimahullah, a dit dans son livre Adwa al-Bayan, de tafsir aussi du Coran. Il a rapporté en fait un athar de Hudhayfa radiallahu anhu, qui est un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ra'a rajulan yusalli fatafaqa faqala lah. Donc il a vu un homme prier, alors qu'il l'a arrêté. Et il lui a dit: Mundu kam tusalli hadhihi as-salat. Depuis quand pries-tu de cette façon? Cette prière. Qala mundu 40 sana. Depuis 40 ans. Il prie comme ça. Qala lah. Donc Hudhayfa radhiyallahu anhu lui a dit: Ma sallayta mundu 40 sana. ولو مت على ذلك مت على غير فترة محمد صلى الله عليه وسلم. Il lui a dit: tu n'as pas prié pendant 40 ans alors. Et si tu serais mort comme ça, tu serais mort en dehors de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelles ont été les positions des quatre imams: l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, rahimahumullah ajma'in. L'imam Ahmed, rahimahullah, a dit que celui qui délaisse la prière, okay, c'est un kafir avec du kofr qui lui exclut de l'islam. Donc, il est mécréant. Il ne fait pas partie des musulmans. Même s'il veut croire qu'il fait des musulmans, là, je ne sais pas quoi. C'est un mécréant. Il ne fait pas partie des musulmans. Et il a dit que s'il ne se repent pas et qu'il prie, eh bien le juge, donc dès que ce qu'on va parler là, c'est les juges donc qui vont donner le jugement. Ce n'est pas Monsieur X qui va faire ce fatni, qui voudra accomplir ce jugement de qu'il soit tué s'il ne prie pas et qu'il ne se repent pas. C'est le juge qui doit donner cette décision-là. Donc c'est une justice qui applique la sharia d'Allah, la législation d'Allah. Okay? Quelle est la différence entre quelqu'un qui dit qu'il croit et quelqu'un qui dit qu'il est musulman. C'est quoi la différence? C'est quelqu'un qui dit qu'il est musulman, eh bien ça veut dire en fait qu'il s'est soumis à Allah. Aslam al-insan idha istaslama. Tu dis que tu es musulman, c'est une énorme responsabilité. C'est pas un jeune, je m'appelle, je sais pas quoi. Voilà, bonjour, voilà. C'est pas ça. Tu es musulman. Tu vois, ça veut dire que tu peux dire une preuve qui peut être contre toi le jour du jugement dernier. Ça veut dire que tu t'es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Après, quelqu'un, il va te dire, moi je suis croyant. Ben, j'y crois. Ben, pourquoi tu n'obéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Je veux dire, il y a une différence, hein. Un musulman, c'est quelqu'un qui s'est soumis à Allah. Donc, s'il s'est soumis à Allah, comme on va le voir, eh bien, c'est que, ça veut dire qu'en fait, il croit, mais une croyance inébranlable. Et il est conscient de ce qui l'attend le jour du jugement. S'il n'agit pas sur cela, eh bien. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe. Parce que, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhannas. Ya ayyuhannas. Certains disent que eh bien, ça réfère soit eh bien, aux musulmans, soit eh bien, à l'humanité entière. Ici, même dans Surat al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne aussi les attributs de le croyant. Parce qu'une personne elle va te dire, ben, moi je crois en Dieu. Oui, mais c'est quoi la croyance en Dieu que tu as? Tu vois? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les croyants sont ceux qui croient en Allah et au prophète. Et Muhammad, prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le croyant. Celui-là qui croit en lui. Mais ça veut dire quoi qu'il croit en lui? Ça veut dire qu'il le suit. Parce que croire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est un prophète et messager, je crois que c'est un prophète et messager, et tu refuses de le suivre, je vais te poser comme question, quelle est la différence entre toi et le groupe de juifs qui ont dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils lui ont posé des questions? Que seul un prophète peut répondre, il a répondu à toutes les questions, et ensuite ils ont dit Innana nashhadu innaka lanabi. Nous témoignons que c'est un prophète. Et ils ont refusé de le suivre, c'est resté les kuffars. Si une personne refuse de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne qui est mécréante. Il n'y a pas de discussion sur ça, et il n'y a pas de peut-être non, peut-être. Non, tu refuses de le suivre, hein? Tu opposes la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu aimes vraiment Allah, tu vas suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Donc, et même lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité. Miséricorde pour l'humanité. C'est-à-dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith qui est aussi authentique, que ce qui diffère entre lui et les messagers qui ont été envoyés avant lui, c'est que les messagers avant lui ont été envoyés à leur tribu. Et lui a été envoyé les Neskef. Les Neskef, ça inclut les mécréants et ceux qui sont musulmans. Donc c'est ça aussi. Donc l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit, ça c'est la position de l'imam Ahmed, qui a dit, rahimahullah, que celui qui délaisse la prière, c'est un kefir, c'est un mécréant. Et s'il, c'est pas le kufr d'una kufr, c'est pas la mécréance qui ne t'exclut pas de l'islam. C'est une mécréance qui t'exclut de l'islam, t'es plus musulman. Et il a dit, et il est tué, c'est le juge qui donne cette décision-là, et c'est, toute la législation par la justice musulmane, hein, islamique qui donne ça. C'est pas le monsieur X qui va aller tuer la personne, tu vois. C'est pas ça. Donc, il est tué s'il ne se repent pas et qu'il prie. Parce qu'en fait, donc je termine de dire ça, ensuite je vais dire en fait le ce qui a été dit sur ça. L'imam Abu Hanifa, rahimallah, l'imam Malik, rahimallah, l'imam Shafi'i, rahimallah. Ils ont dit tout d'abord, c'est leur première position, ils ont dit, eh bien c'est un fasiq. Celui qui ne prie pas, c'est un fasiq. Ça veut dire c'est un pervers. Mais c'est pas un mécréant. C'est pas un kefir. C'est un pervers, mais c'est pas un mécréant. Ensuite, ils ont différé. Et l'imam Malik, rahimahullah, l'imam Shafi'i, ils sont revenus sur ce qu'ils ont dit. L'imam Malik et Shafi'i, ils ont dit, il doit être tué s'il ne se repent pas et qu'il prie. Et l'imam Abu Hanif a dit, il doit être emprisonné, mais pas tué. Il doit être emprisonné, mais pas tué. Donc, le minimum pour une personne qui délaisse la prière, c'est que elle ne marche pas libre dans la rue et puis, salut, ça va, salam, moi, ça va. c'est que le minimum, elle est emprisonnée jusqu'à ce qu'elle se repent et qu'elle prie. Si tu dis que tu es musulmane, si tu fais le choix de dire que tu es musulmane, eh bien, tu dois prier. Si tu dis que tu es musulmane et ensuite tu ne veux pas prier, eh bien, eux, ils le considèrent comme une personne qui va apostasier. Donc, pour pas que ça s'étende dans la communauté, elle est emprisonnée. Il lui donne 3 jours, comme Cheikh l'Islam avait expliqué en fait sur les positions des 4 a'immas. Il a dit qu'il lui donne 3 jours en prison pour se repentir. Le premier jour, ils viennent, ils lui disent que tu vas te repentir et prier, hein? Parce que sinon, ils vont t'exécuter si tu ne te repens pas et tu pries. Il veut pas. Deuxième jour, tu viens, tu lui parles, tu lui fais peur parce qu'il va se faire exécuter et ça, il refuse. Troisième jour, il dit, je vais pas me soumettre à tes ordres, là, je sais pas quoi, qui voudra dire, Aoudou Billah, qu'Allah nous en préserve. Il refuse. Et les ulama, ils ont dit que s'il a choisi la mort à la prière, lorsqu'ils lui couperont la tête, eh bien, il meurt en tant qu'apostat, murted. Ça, c'est pire. Ça, c'est murted. Parce que c'est quoi la différence entre un musulman qui se fait exécuter, par exemple, par la législation, parce que, par exemple, l'une des choses qui font ça, c'est que la personne qui insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont dit les ulama sur ça? Une personne qui insulte Allah, les ulama, ils ont dit que cette personne-là, elle se repent lorsqu'elle lui est demandée, et si elle s'est repentie, eh bien, elle est laissée libre. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si une personne qui insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle est musulmane, ou qu'elle se moque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'elle dit que j'aime pas tel truc à toi ou quoi que ce soit, comme ça s'est déroulé. Il n'y a pas longtemps, ça s'est déroulé. C'est un Saoudien qui avait fait ça en plus, subhanallah. Il avait marqué sur Twitter, il se moquait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est sauvé en Indonésie. En Indonésie, quand ils ont entendu ça, ils l'ont renvoyé en Arabie Saoudite. Donc après, bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec lui, mais. Et donc, le truc, c'est quoi? C'est qu'une personne qui insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui demande de repentir. Si elle se repentit, si elle se repent, elle se fait quand même exécuter. Et si elle ne se repent pas, elle se fait quand même exécuter. Mais dans les deux cas, en fait, c'est quoi? C'est que lorsque, si elle s'est repentie, elle meurt en tant que musulmane. Donc, elle pourra rentrer au paradis. Tu vois? Mais si elle ne s'est pas repentie, eh bien, elle restera en enfer pour l'éternité. Donc, ça, c'est en fait la position sur ça. Donc, dans le livre de l'imam, ça, c'est la position des quatre imams. Abu Hanifa, il a dit, minimum, il se fait emprisonner, s'il ne se repent pas. Jusqu'à qu'il se repent, il se met à prier. L'imam, donc, Malik, Shafi'i et Ahmed, on dit que, eh bien, s'il ne se repent pas et qu'il prie, eh bien, il doit se faire exécuter. Et donc, ça, c'est comme on avait dit, par, un juge qui donne le qadi, qui donne la décision, ça. Dans le livre de l'imam l'Qaïm, parce que j'ai aussi utilisé ce qu'avait dit l'imam l'Qaïm dans son livre qui s'appelle « Es-salat wa hukum tarikuha ». La prière est le jument de celui qui la délaisse. Ok ? Il a donné en fait une liste de compagnons, mais il a donné en fait des indications qui sont très intéressantes. Donc, An Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il rapporte en fait un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a rapporté. Qal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc ça, la yuhil dam imra'i muslim, yashhad an la ilaha illallah, wa anni Muhammad rasulallah, wa anni rasulallah, illa bi ihda thalatha, al-thayb al-zani, wa al-nafs bil-nafs, wa tarik li dinihi, al-mufarriq lil-jama'a, akhrajahu fi al-sahihayn. Donc, lorsqu'une personne, mathalan, yani, les juges, ils vont le juger sur quelque chose. Ils n'ont pas le droit de juger une condamnation qui se fasse exécuter, excepté de 3. Celui, le fornicateur, celui qui est yizni, le fornicateur, celui qui a tué une personne, donc il doit aussi être tué pour cela, et celui qui a délaissé sa religion et qui s'est dissocié du groupe de la Jama'a. Et il a dit, eh bien, celui qui délaisse la prière, eh bien, délaisse la religion, et il va expliquer pourquoi ce qui a été dit par, notamment, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Il a ressorti aussi, donc, dans les 2 sahih de Bukhari et Muslim, ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Min hadith Abdallah ibn Omar, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, umirtu an uqatil al-nas, hatta yashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammad rasulallah, wa yuqimu al-salat, wa yu'tu al-zakat. فإذا فعلوا ذلك فقد عس فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. J'ai été envoyé et j'ai été ordonné pour combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah. Et que je suis le prophète d'Allah. Et qu'ils font la prière et qu'ils donnent la zakat. S'ils font tout cela, ils auront fait que, eh bien, c'est interdit pour moi de les combattre et leur jugement seulement par le droit de l'islam. Et leur jugement revient à Allah. Qu'est-ce qu'il a dit lui-même, donc, il a dit donc en fait, les preuves qu'on peut avoir dans ce hadith-là est de deux points. Il a été ordonné de les combattre s'ils délaissent la prière. Le deuxième point, c'est que, excepté par le droit de l'islam, il a dit, et la salate est le plus gros droit que l'islam a. Aussi, dans un autre, ce qui a été rapporté en fait sur l'imam Ahmed, rahimullah, qui a dit, وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ لَحَذَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةِ. Comme il a été rapporté dans le hadith, pas de portion en islam pour celui qui délaisse la prière. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de portion en islam pour celui qui délaisse la prière? Ça veut dire là, j'ai un gâteau. Je donne une portion. Ils ont des portions. Et à une personne, je ne lui donne pas. Elle n'aura pas de portion de ce gâteau-là. Elle n'aura rien de l'islam, ça veut dire. La hazza fil islam liman taraka salah. Wa qad kana Umar ibn al-Khattab yaktub ila al-afaq. Donc, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il écrivait. In aham umurakum indi as-salat. La plus importante des choses que j'ai à mes yeux, c'est la prière. C'est la prière. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Faman hafadaha hafadha dinu. Celui qui l'a qui l'a maintenu a maintenu sa religion. Wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha. Et celui qui l'a délaissé, eh bien et aura délaissé sa religion. Et après, il a dit quoi? Wa la hazza fil islam liman taraka as-salat. Et pas de portion en islam pour celui qui a délaissé la prière. C'est pour ça que l'imam Ahmed, ça aussi c'est l'imam al-Qayyim rahimahullah qui rapporte ce que l'imam Ahmed a dit, qala fa kull mustakhif bis-salat mustahin biha fa huwa mustakhif bil-islam mustahin bihi. Tout celui qui prend à la légère la prière, ok, eh bien, prend à la légère l'islam. Tous ceux qui prennent à la légère la prière prennent à la légère l'islam. Wa innama hadhum min al-islam ala qadr hadhum min as-salat. Leur portion d'islam qu'ils ont, eh bien, c'est égal à la portion de salat qu'ils ont. Et ensuite, il a dit quoi? Wa raghbatuhum fil islam ala qadr raghbatuhum fi as-salat. Et le plus qu'ils veulent de l'islam, tu vois, eh bien, c'est égal à leur relation avec la salette. Est-ce qu'ils veulent la faire? Est-ce qu'ils, tu vois? Est-ce qu'ils sont pressés de la faire? Est-ce que, tu vois? Eh bien, tu te balances dans ça. C'est pour ça qu'il dit, l'imam al-Qayyim rahimahullah, fa'arif nafsik ya Abdallah. Connais-toi toi-même, ô serviteur d'Allah. Connais-toi toi-même. Wahdar an tulqi Allah. Voilà qadra l'islam indak. Crains Allah, que tu rencontres Allah et tu n'as pas de portion en islam. Fa in qadra l'islam fi qalbika ka qadra salat fi qalbik. Car la quantité d'islam, la portion d'islam que tu as dans ton cœur, ça équivaut à la portion de prière que tu as. Yani, comment tu l'apprends? Wa qad jaa الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة عمود الدين. Parce qu'il est venu dans le hadith où le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit la prière, يعني العمود c'est comme le pilier fort de la religion. Et il y a aussi un autre hadith. Où est-ce que وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ أَوَلْ مَا يُسْأَلْ عَنْهُ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ. La première chose que la personne se fera interroger le jour du jugement dernier sera sur quoi? Sur sa prière. فَإِنْ تَقُبِّلَتْ مِنْهُ صَلَاتُهُ تَقَبَّلَ مِنْهُ سَائِرِ عَمَلُهُ. Donc si sa prière est acceptée, le reste sera accepté. Ok? وَإِنْ رَبَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ رَبَّ عَلَيْهِ سَائِرْ عَمَلُهُ. Donc et si sa prière est rejetée, eh bien le reste se fera rejeter. La première chose, yani, subhanallah, comment une personne qui sait, qui croit, qui est convaincue, qu'elle va se faire juger, comment une personne qui sait qu'elle va mourir, personne n'est éternel. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. C'est clair. Combien de fois dans le Coran c'est mentionné ça? Toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Personne ne pourra se sauver, Wallah, et être éternel. Lorsque tu sais que toute âme goûtera à la mort, et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, parce que t'en as, ils pensent, ils disent, je suis encore jeune. Quand je serai un peu plus vieux, je ferai ma retraite spirituelle, à chaque fois je tiendrai la mosquée. Mais qu'est-ce que t'en sais que tu vas atteindre cet âge-là? Wallah al-Azim, dès que j'étais là-bas en Écosse, j'avais croisé une personne, le jeune il avait 20 ans, c'était un Pakistanais, il s'appelait Omar, je me souviens. Et j'étais avec un frère au marché, on allait à la mosquée, et puis je le voyais, il allait, il serrait la main. Mais j'avais pas fait attention au fait que c'était lui, Allah yarhamo, je veux dire, parce que... En fait, il avait les cheveux un peu longs, je croyais que c'était une fille, tu vois. Je me dis, il fait quoi lui, il va aller seulement une fille ou quoi? Et en fait, voilà, donc il a tourné sa tête, j'ai remarqué, voilà, que c'était le frère qui s'appelait Omar. Et donc, subhanallah, juste comme ça, je parlais avec lui. Je lui dis, ben yahi, laisse pousser ta barbe, comme ça je pourrais reconnaître que tu es un homme, tu vois. Parce que je n'avais pas remarqué avec tes cheveux que tu étais long, tu vois, je croyais que tu étais une fille. Et subhanallah, la semaine d'après, 11h du soir, je reçois un coup de téléphone du frère qui marchait avec moi. Il m'a dit, t'en souviens le frère qu'on avait croisé? Il est mort d'une crise cardiaque à l'hôpital, Western General Hospital. Il a dit, il est arrivé à l'hôpital et tout ça, il avait une hémorragie interne, je sais pas quoi là. Crise cardiaque et tout. Ils ont essayé de le réanimer, il est mort. 20 ans, on a fait la salat janaza le lendemain. Subhanallah. Tu vois? Il y en a, ils vivent sur l'espoir. Ouais. Quand j'aurai tant. Non, maintenant je peux pas. Pourquoi tu pries pas? J'ai trop de péchés. Mais au contraire, subhanallah. Inna salat tana al fahsha wal munkar. La prière va te mener que tu vas arrêter de faire ces péchés-là. Comment elle va te mener à arrêter de faire ces péchés-là? Si tu l'as fait sincèrement pour Allah, tu lui donnes toutes les conditions qu'il le faut, tu l'as fait correctement et avec humilité. Tu sais que Allah t'observe constamment. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en communication directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le fais et lorsque tu crains Allah, lorsque tu viendras pour faire un péché, parce que tu l'as fait sincèrement pour Allah, toi-même, consciemment, tu vas être toi-même, tu vas te dire, je prie avec les frères, tu vois. Et Allah subhanahu wa ta'ala il m'observe, je vais faire ce péché-là. Tu vas avoir honte de toi-même. Tu vas avoir honte de toi-même devant Allah. Et ça, c'est quelque chose de très bien, ça. Et ça fait, tu vas le délaisser, ce truc-là. Tu vas dire non, non. Tu vois, parce que tu vas te sentir un peu hypocrite. Tu viens prier avec les frères, et ensuite tu fais autre chose. Donc, c'est pour ça, lorsque tu pries, tu vois, ça va te corriger. Et même si la prière, elle ne te corrige pas, tu pries un nez, et tu vas aller manger la chair des frères dans le café. Allah il t'observe. Inna Allah kana alaykum raqiba. Subhanallah. Ça veut dire que même ceux qui sont entourés avec toi et qui t'entendent parler et qui savent que tu pries, tu vois, ils ne vont pas voir de différence entre toi et eux. Parce que tu es comme eux, tu parles comme eux. Hein? Tu ne commandes pas le bien et tu t'interdis pas le mal. Il n'y a rien qui t'en empêche. Non, ils ne commandent pas le bien. Et il n'interdit pas le mal. C'est-à-dire, il est assis avec eux, tu vois, et ils font des choses mauvaises, ils parlent des mauvaises choses, et tu vois, ils parlent de plein de choses, alors qu'Allah t'observe constamment. Inna Allah kana alaykum raqiba. C'est-à-dire que si tu as ce comportement-là, c'est que tu as un problème dans ta prière, Yahri. C'est ça que ça veut dire. C'est pas autre chose, tu vois. Yani, parce que si ta prière ne te corrige pas toi, tu n'arrives pas à être corrigé par le fait que tu pries, c'est que tu as un problème de sincérité avec Allah. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pour ça. La personne, c'est pour ça que l'imam Al-Qayyim rahimahullah dit fa'arif nafsaka ya Abdallah. Connais-toi toi-même, essaie de t'apprendre à te connaître, ô serviteur d'Allah. C'est-à-dire que tu sais le poids et la quantité que tu dois donner à cette prière-là. Tu sais ce que ça pèse. La première chose que tu vas te faire juger le jour du jugement dernier, ce sera la prière. Donc, tu dois faire attention à qu'elle soit faite correctement. Tu veux qu'elle soit acceptée. Si tu ne fais que les 5 prières, seulement les 5 prières, ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à un compagnon, voilà, tu tiens juste aux 5 prières et tu les fais correctement, c'est suffisant. Mais si tu le fais les 5 prières, tu ne fais pas des sunan en plus. Et en plus, lorsque tu pries, tu commences à faire Allahu Akbar et tu commences à penser à ce que tu vas faire dans 10 minutes, voilà l'après-midi ou bien le soir ou je sais pas quoi, et tu n'as que ça, parce qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dira le jour du jugement dernier aux anges de regarder s'il a des prières surérogatoires. S'il y a un manque dans ces prières-là pour le combler. Mais s'il n'y a pas de prière, il y a écrit, tu fais quoi? Et tu crois que tu es un musulman, tu vas venir le mois de Ramadan? Wallah, il y a des gens même, ils jeûnent même pas le Ramadan et ils veulent fêter l'Aïd. Je te jure, non, mais t'en as, c'est comme ça. Et ils se disent qu'ils sont musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'ils sont nés dans une famille arabe, donc ils sont musulmans. Eh bien, écrit, il faut se réveiller. Si tu es né arabe, ok, si tu es un arabe, ça ne fait pas automatiquement de toi un musulman. Les Quraysh, la tribu du prophète Mohammed, c'était des arabes. Il y en avait qui étaient des mouchriquines, des kuffars, et il y en avait qui étaient des pieux musulmans. Tu vois? Donc c'est pas automatiquement un arabe qui est un musulman. Tu vois? Être musulman, eh bien, ça s'apprend ça. Et lorsqu'une personne fait le témoignage et prie 5 fois par jour, c'est une musulmane à nos yeux. Ce qui est dans les cœurs, il n'y a qu'Allah qui le sait. Elle prie 5 fois par jour et elle a fait l'attestation de foi, eh bien, c'est une musulmane. On la considère comme musulman. Après, si elle cache une mécréance ou voilà, quoi que ce soit, il n'y a qu'Allah qui le sait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme ça va être l'heure, Inch'Allah, on va terminer parce que c'est encore long le... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va voir, Inch'Allah, samedi prochain, Inch'Allah, dans le détail, en fait, toutes les preuves. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et même, en fait, ceux qui disent que, mathalan, eh bien, ce n'est pas un mécréant, on va voir, en fait, quel est le problème des preuves, en fait, dans qu'ils peuvent rapporter, Inch'Allah. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك